Chapitre 8. Le chant de Fafnir. Sigurd et Reginn montèrent vers la Gnitaheide et y trouvèrent le sentier par lequel Fafnir rampait vers l'eau. Dans ce sentier, Sigurd creusa une fosse profonde et s'y cacha. Quand Fafnir quitta l'or sur lequel il était couché, de sa bouche il lança du poison qui tomba sur la tête de Sigurd. Mais quand Fafnir passa au-dessus de la fosse, Sigurd lui plongea son épée dans le cœur. Fafnir se débattait et frappait de la tête et de la queue. Sigurd s'élança hors de la fosse et ils se virent l'un l'autre. Fafnir dit « Compagnon, compagnon, quel compagnon t'a donné le jour? De quel homme es-tu le fils, toi qui as osé teindre ton arme brillante dans le sang de Fafnir? Ton épée a transpercé mon cœur. » Mais Sigurd ne voulut point dire son nom, parce qu'on croyait jadis que la parole d'un mourant était très puissante quand celui-ci maudissait son ennemi par son nom. Il répondit « Je m'appelle un prodige et je marche ci et là sans avoir connu de mère. Je n'ai point non plus de père comme les autres hommes. Je m'avance solitaire. » Fafnir « Sais-tu, si tu n'as pas de père comme les autres hommes, quel prodige t'a fait naître ?» Sigurd, ma race ne t'est pas connue, et moi pas davantage. Je me nomme Sigurd, et mon père Sigmund. Je t'ai vaincu à armes égales. » Fafnir, qui t'a poussé? Comment t'es-tu laissé pousser à me tuer, ô jeune homme à l'œil lumineux? Ton père était un rude guerrier. À son fils né après sa mort, il a transmis son âme. » Sigurd, mon cœur me poussait en avant. Mes mains et ma bonne épée ont fait le coup. Jamais les années ne donneront du courage à celui qui fut lâche dans son enfance. » Fafnir, je le sais, si tu avais pu grandir sous la protection des tiens, tu aurais été intrépide dans les combats, mais maintenant tu n'es pas libre, tu es prisonnier de guerre. Toujours, dit-on, les captifs tremblent. » Sigurd, comment peux-tu me reprocher, Fafnir, que je sois loin de la patrie de mes aïeux? Jamais je n'ai été ici ni captif ni prisonnier de guerre. Tu as bien senti que j'étais libre. » Fafnir, dans tout ce que je dis, tu trouves des reproches. Mais je te prédis une chose, cet or au son retentissant, ce métal au reflet rouge, ces anneaux te tueront. » Sigurd, chacun jusqu'à son dernier jour désire posséder des richesses, mais tout homme doit enfin quitter la terre pour descendre vers elle. » Fafnir, tu dédaignes les paroles des Nornes et ma prédiction comme si elles manquaient de sens. Si tu navigues dans la tempête, tu périras dans les flots. Tout est mortel pour ceux qui doivent mourir. Le casque d'Aegir m'a protégé longtemps, tandis que j'étais couché sur le trésor. Je me croyais plus fort que les autres hommes, et je n'ai trouvé personne qui me résista. » Aegir était un dieu marin. Sigurd, le casque d'Aegir ne peut toujours protéger celui qui combat des hommes intrépides. Celui qui se bat avec plusieurs éprouvera bientôt que nul n'est toujours le plus fort. » Fafnir, je souffle du poison devant moi depuis que je suis couché sur le riche trésor de mon père. » Sigurd, tu étais effroyable, dragon aux écailles brillantes, et tu avais un cœur impitoyable, comme s'élèverait l'orgueil des fils des hommes s'ils avaient un casque semblable. Dis-moi, Fafnir, toi qui vois l'avenir et sais tant de choses, quelles sont les Nornes qui secourent dans la détresse et qui délivrent les femmes en couche? » Fafnir, les Nornes me semblent de différentes espèces et d'origines diverses. Les unes sont de la race des Asen, les autres de celle des Elfes, les troisièmes sont les filles de Dvalin. » Dvalin était le père d'une race de nains. Sigurd, dis-moi, Fafnir, toi qui vois l'avenir et qui sais tant de choses, comment se nomme le lieu du combat où Zurtur et les Asen mêleront leur sang? » Il s'agit du dernier combat que les Asen livreront à Zurtur, le géant du feu, à la fin du monde. » Fafnir, il s'appelle Ostkopnir, et là tous les dieux se combattront le fer à la main. Bifrost seront quand ils passent, et les coursiers nagent dans la Mouotta. » Bifrost, c'est le nom de l'arc-en-ciel, le pont qui conduit vers le Asgard, séjour des dieux. La Mouotta est le fleuve qui environne Asgard. « Maintenant, je te le conseille, Sigurd, croisant mon avis, chevauche loin d'ici. Cet or, au son retentissant, Ce métal aux reflets rouges, ces anneaux te tueront. Zégourd, un conseil m'est donné, mais moi je chevauche sur la bruyère vers ce trésor. Toi, Fafnir, tu exhales ton dernier souffle, tu vas descendre vers elle. Fafnir, Régine m'a trahi et te trahira aussi. Il sera la cause de notre mort à nous deux. Fafnir doit quitter la vie. Ta force m'a vaincu. Régine s'était éloignée, tandis que Zégourd tuait Fafnir. Il revint au moment où Zégourd essuyait le sang de son épée. Régine dit « Salut à toi, Zégourd, tu as remporté la victoire et tu es Fafnir. De tous les hommes qui existent sur la terre, tu es le plus vaillant. » Fafnir, si tous les enfants des Égdives, des divinités de la victoire, devaient se rencontrer, on ne pourrait encore décider quel est le plus brave, plus d'un et courageux qui jamais ne plongea le fer dans la poitrine de l'ennemi. Régine, tu es fier, Zégourd, et heureux de ta victoire, et tu essuies ton épée Gramme dans l'herbe. Tu viens de tuer mon frère, mais j'en suis moi-même en partie la cause. Zégourd, tu m'as conseillé de chevaucher par-delà la montagne sacrée. Si tu ne m'avais poussé à l'action, le dragon aux écailles brillantes jouirait encore de la vie et de son trésor. Régine s'avança alors vers Fafnir, et avec son épée qui s'appelait Riddil, lui enleva le cœur et but le sang qui coulait hors de la blessure. Régine, assieds-toi, Zégourd, et tandis que je vais dormir, fais-moi cuire au feu le cœur de Fafnir. Je veux manger ce cœur après avoir bu le sang de la blessure. Zégourd, tu t'es écarté au loin, tandis que je teignais ma forte épée dans le sang de Fafnir. Tu te reposais sur la bruyère pendant que mon bras puissant luttait contre ce formidable dragon. Régine, bien longtemps encore ce vieux yacht serait resté couché sur la bruyère si tu n'avais pas eu recours à cette épée bien affilée que j'ai forgée pour toi. Les Jotun étaient les géants représentant des ténèbres et du mauvais principe. Zégourd, le courage au cœur vaut mieux que le fer quand les braves se rencontrent. L'homme intrépide parvient à remporter la victoire même avec une arme émoussée. L'homme intrépide peut mieux que le lâche se risquer au jeu de la guerre. Celui qui marche joyeux au combat se servira mieux de son arme que celui qui manque d'ardeur. Zégourd prit le cœur de Fafnir et le fit rôtir à la broche. Quand il crut qu'il était à point et qu'il vit le jus découler du cœur, il y appliqua le doigt pour voir s'il était en effet assez cuit. Mais il se brûla et se mit le doigt dans la bouche. Aussitôt que le sang de Fafnir eut touché sa langue, il comprit le langage des oiseaux. Il entendit ce que les aigles se disaient sur les branches. Premier aigle. Voilà Zégourd assis teint de sang. Il fait rôtir le cœur de Fafnir. Il me paraîtrait sage, ce guerrier, s'il mangeait cet organe de la vie. Deuxième aigle. Voilà Régine couchée, songeant comment il trompera l'homme qui se confie en lui. Dans sa méchanceté, il invente de fausses accusations. Cet artisan de malheur pense à venger son frère. Troisième aigle. Après lui avoir coupé la tête, il enverra vers elle ce bavard aux longs cheveux. Ainsi, il possédera tout le trésor sur lequel Fafnir était couché. Quatrième aigle. Il me paraîtrait sage, mes sœurs, s'il songeait à profiter des bons avis que vous lui donnez. Qu'il se décide et réjouisse les corbeaux, car quand on voit ses oreilles, le loup n'est pas loin. Ancien proverbe. Cinquième aigle. Ce héros qui conduit les combattants n'est pas aussi prudent que je lui se crut si, après avoir tué l'un des frères, il laisse la vie à l'autre. Sixième aigle. Il me paraît très imprudent s'il épargne plus longtemps ce dangereux ennemi. Régine qui le trahit est couché là-bas, et Zégourd ne sait pas comment il doit se défendre contre lui. Septième aigle. Qu'il coupe la tête à ce yacht au cœur froid et qu'il lui enlève ses richesses. Alors tout le trésor que possédait Fafnir sera à lui seul. Zégourd. Le sort n'a pas décidé que Régine parviendrait à me tuer. Bientôt les deux frères descendront vers elle. Zégourd coupa la tête de Régine, mangea le cœur de Fafnir et but le sang de Régine et de Fafnir. Alors Zégourd entendit ce que chantaient les aigles. Réunis ces anneaux aux rouges reflets, il ne convient pas à un roi de s'inquiéter de l'avenir. Je connais une femme admirablement belle, toute brillante d'or. Ah, si elle pouvait être à toi. De vers sentiers conduisent vers Gyoki. Le destin montre le chemin aux voyageurs. Le bon roi a une fille. Par le don des fiançailles, Sigurd, tu peux l'acheter. Sur le haut sommet de Hindarfjall s'élève un bourg tout entouré de feu. Des chefs puissants l'ont bâti avec de leurs brillants flammes des eaux. Sur le rocher dort la Vierge des combats et le feu dompté la lèche doucement. Egar lui piqua une épine dans son voile, dans le voile de la jeune fille qui voulait tuer des hommes. Egar est un des noms d'Odin. Tu peux, ô homme, contempler sous son aume la Vierge que le cheval Vingskornir emporta hors de la mêlée. Nul guerrier ne peut interrompre le sommeil de Sigurdrifa avant que les Nornes y consentent. Sigurd suivit la trace de Fafnir vers sa demeure. Elle était ouverte, mais la porte et les linteaux étaient en fer. Toute la charpente était aussi de fer et l'or était caché sous terre. Sigurd trouva là un énorme trésor et il en remplit deux coffres. Il prit le casque d'Egir, la cotte de Maedhor et l'épée Hrot et beaucoup de choses précieuses et il en chargea Grani. Mais le cheval ne voulut point avancer avant que Sigurd se fût remis en selle.